Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Par définition, l'imposteur avance masqué. Mais le sait-il ? A-t-il conscience qu'il porte un masque ? Et si sous ce masque ne se trouvait aucun visage ? Et si sous ce masque ne se trouvait que lambeau, identité dispersée, rien d'authentique, rien de personnel, rien qui ne ressemble vraiment à soi ? Et si nous étions tous des imposteurs ? On était au front. C'est-à-dire qu'ils ont tiré d'abord sur notre café, et après ils sont rentrés dans la salle de concert. On ne peut pas s'empêcher de penser, enfin du moins je n'ai pas pu m'empêcher de penser que pendant qu'on se faisait tirer dessus au tout début, à l'intérieur ils dansaient encore. On ne peut pas s'empêcher de se dire putain, si j'avais fait ça autrement quoi. Et après, évidemment, on sait très bien que face à des Kalachnikovs, on n'y peut rien. Je me retrouve à être invité à ce concert et à y aller avec justement tous les autres escapés. Et je suis heureux que ce soit ce concert-là, avec ces gens-là, avec ce groupe-là, après ces événements-là. Je ne me serais pas vu autre part ce soir-là. 2 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, Cédric Rey est reconnu coupable, mais il s'en sort relativement bien. La procureure avait requis une peine plus lourde, 2 ans ferme. La détresse psychologique du jeune homme qui s'est exprimé pendant tous les débats a manifestement été entendue. S'il s'est fait passer pour une victime, c'était pour combler un vide, se donner le sentiment d'exister. À l'époque, je n'allais pas bien du tout, j'étais au fond du gouffre. Je cherchais des amis, je cherchais de la reconnaissance, explique-t-il, mâchoire serrée, gorge nouée. Cédric Rey raconte l'engrenage, la spirale du mensonge. Tout cela était allé trop loin, je ne pouvais plus faire marche arrière, explique-t-il. Mais assure-t-il, jamais je n'ai pensé à faire de l'argent. Son avocat insiste, s'il a déposé un dossier auprès du fonds de garantie des victimes, ça n'était pas par appât du gain, c'était une conséquence de son mensonge, une façon de parfaire son statut de victime. Stop! Bonjour Roland Gory. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur honoraire de psychopathologie clinique à l'université d'Aix-Marseille, psychanalyste et auteur de La Fabrique des imposteurs, un livre paru en 2015 aux éditions Les Liens qui libèrent. Quand au lendemain du 13 novembre 2015, Cédric Rey fait croire qu'il était l'une des victimes du Bataclan, qui sera ensuite jugé le 1er décembre 2017. On a entendu un extrait de BFM TV où le journaliste expliquait qu'il avait été condamné à 2 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Juge-t-on que ce personnage, cette personne, Cédric Rey, souffre de folie ? A-t-il perdu la tête, comme le chantent les Pixies que nous sommes en train d'écouter ? Ou bien souffre-t-il d'imposture ? Parce que c'est pas la même chose. Alors, vous le savez Adèle, chaque cas est un cas particulier, je ne peux pas bien évidemment poser un diagnostic. Ah non, je ne vous demandais pas de faire un diagnostic. Non, simplement, nous sommes, si vous voulez, face à une logique du semblant, de fausses victimes, pour aller vite, et c'est, je ne dirais pas que c'est fréquent, mais enfin, on en trouve un certain nombre, on en trouve aussi d'ailleurs dans les hôpitaux, hein, vous savez qu'il y a ce fameux syndrome de Munchausen, et aussi d'ailleurs le syndrome de l'asthénie de Fargeol, etc. Qu'est-ce que c'est le syndrome de Munchausen? Ce sont, si vous voulez, très souvent des parents qui amènent des enfants pour les présenter à des médecins et qui entretiennent les maladies, voire qui les provoquent pour faire reconnaître, je dirais, simplement une souffrance, pour finalement se faire reconnaître dans le champ social comme étant malade, comme étant victime ou comme étant parent de malade. Il y a des gens qui se piquent pour provoquer des hémorragies ou qui prennent des médicaments, qui se rendent vraiment malades. Donc je crois que c'est très important parce que nous sommes aujourd'hui, et c'est notamment le cas de ces fausses victimes, dans une logique sociale où c'est dans la position de victime que l'on peut acquérir l'admiration, la reconnaissance d'autrui, l'amour d'autrui. Alors je ne sais pas du tout si vous voulez ce cas particulier, encore une fois je me tiens à distance de tout diagnostic que je ne saurais porter sans rencontrer. Mais c'est un point de départ pour la réflexion. Absolument, absolument. Mais moi, ça ne m'étonne pas, parce que il y a là véritablement une espèce de pathologie de l'empathie. Vous savez, l'empathie est un terme très à la mode, même peut-être parfois un peu trop. Disons que, en tout cas, l'empathie résulte d'une identification, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de l'autre, ce que l'on trouve dans l'enfance. C'est bien sûr, les neuroscientifiques vont vous parler des neurones miroirs, des choses comme ça, mais disons que, psychopathologiquement parlant, au niveau du développement de l'enfant, il est très fréquent qu'il s'identifie, bien sûr, à ses semblables. C'est même par là que passe le processus de socialisation. Donc je crois que ce qui apparaît dans l'enfance, où parfois les enfants s'attribuent ce qui arrive aux autres, peut encore se produire à l'adolescence et à l'âge adulte sous la forme de mensonges, de mythomanie ou également d'attribution de malheurs que nous n'avons pas subis. Mensonges, mythomanie, vous avez parlé aussi, vous avez employé l'expression de logique du semblant. Sommes-nous là dans des mécanismes qui produisent l'imposture ? Oui, bien sûr. Disons que ce sont des mécanismes qui accompagnent l'imposture. Mais l'imposture, étymologiquement, ça vient d'un terme qui veut dire, si vous voulez, imponere, imposer, prélever. D'ailleurs, impôt, l'imposition, c'est un mot qui a un lien, qui a une familiarité avec l'imposture. Donc finalement, l'imposteur, c'est celui qui, en faisant un certain nombre de signes, en accomplissant un certain nombre de rituels, de cérémonies, si vous voulez, de signaux, peut vivre à crédit, en prélevant dans la bourse d'autrui. Bon, je crois que vous avez parlé en début de semaine de Tartuffe ou l'imposteur. On voit très bien comment, à cette époque-là, au XVIIe, on est dans une logique sociale où les valeurs ou l'éthique de la société sont essentiellement la religion. Donc il s'agit de faire des génuflexions, il s'agit de faire un certain nombre de signes pour accréditer la thèse selon laquelle on est vraiment très fortement croyant, dévot. Et à partir de là, sans avoir la foi, on est pratiquant en somme de signaux qui font croire à l'autre qu'on est catholique fervent, et à partir de là on peut le duper, on peut lui piquer sa femme, on peut lui piquer son fric. Il faut voir que les imposteurs sont des éponges vivantes, ce sont des martyrs du lien social, c'est-à-dire qu'ils absorbent, si vous voulez, toutes les valeurs de l'environnement. Et martyrs du lien social. Ah oui, vous en faites des victimes aussi. Oui, martyr étymologiquement c'est le témoin. C'est le témoin. Donc ce sont des témoins de l'éthique d'une société. Ça veut dire que l'imposture est constitutive à la société. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser la société sans... Elle est consubstantielle à la société. C'est-à-dire que chaque société a les imposteurs qu'elle mérite. Et aujourd'hui, par exemple, vous allez avoir beaucoup moins d'imposteurs qui vont se prévaloir d'un titre de noblesse parce que la noblesse, l'aristocratie est passée de mode. Mais vous allez davantage, par exemple, faire croire que vous êtes boxeur, riche, producteur, écrivain. Bon, je pense à Christophe Rocancourt, puisqu'il y a eu un documentaire sur Canal+, sur ce personnage. Là encore, je ne vais pas... Bien sûr, je me garderai d'analyser Christophe Rocancourt. Il le fait d'ailleurs très bien lui-même, par ses autobiographies et ses témoignages. Mais Christophe Rocancourt, ce n'est pas du tout l'imposteur du 19e. ou l'imposteur, si vous voulez, du 18e ou du 17e. Donc, je crois que c'est cela qui est important. Nous devrions nous intéresser aux imposteurs pour comprendre quelles sont les valeurs éthiques qui déterminent nos comportements sociaux. C'est ça l'important, je crois. Et aujourd'hui, on n'est plus du côté de Rocancourt ou de Madoff. Hein, même si Madoff... Encore... Donc Rocancourt, celui qui s'est joué d'un certain nombre de stars. Madoff, lui, qui s'est joué des banques. Enfin, ce sont autant de cas de personnes qui ont puisé dans des ressources qui ne leur appartenaient pas, même au sens symbolique du terme, pour à leur avantage, dans leur propre intérêt. Mais ce sont des cas particuliers. On parlait de Cédric Rey en début d'émission. Vous pas évoqué le Tartuffe également de Molière, dont on a parlé lundi dernier. Autant de cas, disons, spectaculaires qui existent, qui sont assez romanesques d'ailleurs. Oui, on parlait des faussaires hier, il y a aussi un côté romanesque. La question que je me pose et que vous posez dans votre ouvrage, Roland Gori, est celle de savoir si, à moindre degré, nous n'avons pas tous en nous ce qu'on pourrait appeler un sentiment d'imposture de manière beaucoup moins spectaculaire. Si on définit l'imposture comme étant le fait de se faire passer pour ce que nous ne sommes pas, ben on passe quand même notre temps à faire ça, non ? Oui. En tout cas, on se pose la question tout le temps. Oui, mais à partir du moment où on se pose la question, on est dans l'antidote de l'imposture. Si vous voulez, pour moi, l'indicateur différentiel entre, je dirais, l'imposteur authentique, si je peux risquer cet oxymore, l'imposteur authentique, et puis finalement, un peu, je dirais, tout le monde, des degrés différents, c'est que nous savons bien que nous ne sommes pas ce que nous prétendons être et nous ne sommes pas ce que nous donnons à voir. C'est-à-dire qu'il y a toujours une différence entre l'être et l'apparaître. Donc par conséquent, ou l'être et la fonction même. Bon, je suis professeur, mais je ne suis pas que professeur. C'est ça. N'est-ce pas ? Je suis psychanalyste, mais je ne suis pas que psychanalyste, etc. On peut continuer à décliner comme ça toutes les fonctions. Et le doute que je peux avoir de savoir si je remplis vraiment ma fonction, si je ne suis pas à un moment donné dans des effets de manche, si vous voulez, ça c'est une question qui fait que me demandant si je suis pas un peu imposteur, je me préserve sans le savoir et sans le vouloir de l'imposture. Alors que dans, je dirais, des cas pathologiques majeurs, par exemple ce qu'on appelle les faux soi, les personnalités as-if, etc., dans ces cas pathologiques majeur. Alors effectivement, il y a quelque chose qui cloche et on a l'impression que la personne est dans une souffrance ontologique majeure, c'est-à-dire qu'il y a du vide. Il y a vraiment du vide et il y a vraiment une espèce d'adhésion du sujet au paraître. Je ne sais pas si je suis très clair. Tout à fait. Et vous avez dit qu'il y avait un lien consubstantiel entre l'imposture et la société, c'est-à-dire que la société serait responsable de l'imposture. Et comment se passe ce mécanisme ? Comment la société... Chaque société, vous avez distingué la société de Molière de notre société, par exemple. Comment chaque société produit-elle ces imposteurs ? Comment se fait le lien ? Alors, je crois pas qu'on puisse parler de lien de causalité en tant que mécanisme produisant, si vous voulez, des impostures. Je crois que ce que la société offre, c'est, pourrait-on dire, les enveloppes formelles du symptôme, c'est-à-dire ce par quoi le désir d'imposture peut se manifester. Ce qui est pas tout à fait pareil. Oui, mais vous allez même plus loin dans votre ouvrage avec, vous reprenez une perspective foucauldienne, donc de Michel Foucault, disant que l'imposture vient aussi de l'incorporation des normes que la société impose au sein de chaque individu et que l'individu voulant à tout prix coïncider avec ses normes se perd lui-même et tombe dans une forme d'imposture. Oui, alors vous avez raison Adèle, c'est-à-dire que dans mon ouvrage j'essaie notamment d'articuler la dimension psychologique et la dimension effectivement sociale et en essayant de montrer que nous sommes dans une société qui favorise l'imposture dans la mesure où c'est une société des apparences, c'est une société de la visibilité, c'est une société, si vous voulez, du spectacle et de la marchandise. Et je crois que le spectacle, comme disait Guy Debord, c'est le lieu où la marchandise se contemple elle-même. Donc, effectivement, dans ce type de société qui demande des schémas comportementaux, qui demande des marques, qui demande, si vous voulez, des apparences, il va de soi que nous pouvons favoriser l'imposture. Mais vous le savez aussi, c'est aussi une attaque indirecte que je porte aux nouveaux modes d'évaluation qui sont essentiellement quantitatifs, procéduraux et formels. Alors effectivement, c'est-à-dire d'un point de vue médical, vous dites cette fois-ci. Pas seulement d'un point de vue médical, d'un point de vue vue, d'un point de vue social et psychologique, aujourd'hui, par exemple, un acte professionnel que vous pouvez accomplir, il doit pouvoir être normé, calibré en termes financiers, en termes, si vous voulez, de quantité, en termes de protocole, en termes de forme. Et donc, par conséquent, une société où la rationalité formelle est si prévalente est une société qui favorise celui qui a l'habitude, de tel un caméléon, de prendre la forme de ce que attend l'entourage pour pouvoir en profiter. Donc, si vous voulez, Madoff, par exemple, ou Rocancourt, pour prendre ces deux escrocs imposteurs célèbres, disent qu'ils ne sont que le miroir de l'avidité de ceux qui leur ont fait confiance. C'est pas totalement faux. Vous voyez, c'est-à-dire que dans une société du crédit comme la nôtre, dans une société où la valeur c'est quoi ? La valeur c'est le fric, c'est le prix, c'est la carte de visite, c'est incontestablement est une société qui a oublié la substance éthique de la valeur et qui donc peut assez facilement se prêter au jeu de l'imposture. Mais vous pensez qu'il y a des sociétés qui accordaient plus de valeur éthique, enfin qui a d'importance éthique à la valeur ? Il n'y a jamais eu une époque sur Terre où on a plus accordé de valeur à l'éthique. On parlait du Tartuffe de Molière, siècle très différent, sans carte bancaire, sans bourse, sans réseaux sociaux, et où pourtant la religion est un vecteur justement d'imposture. Oui. Oui, vous avez parfaitement raison, mais si vous voulez, puisque j'étais venu d'ailleurs parler avec vous de Benjamin, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, il y a une phrase de Benjamin que j'aime beaucoup qui dit que l'acte véritablement moral procède de l'intentionnalité morale et pas du comportement. Ce qui montre bien que dans une société où on se contente du comportement, c'est une société de l'apparence, est une société qui va favoriser les stratégies d'imposture. Je ne sais pas si je suis clair, mais... Vous êtes très clair. Je m'interroge simplement sur la spécificité de cette société dans la mesure où des cas d'imposture existent depuis toujours. Oui, mais vous avez parfaitement raison. Ce sont les modalités de l'imposture qui changent. Si vous voulez, il y a deux plans. Le premier plan, c'est qu'il y a bien sûr une certaine manière de construire l'imposture qui repose sur la capacité de vendre son apparence pour obtenir du profit. Vous l'avez, cela, effectivement, dans toutes sortes de sociétés dans notre histoire, c'est vrai. Bon. Ensuite, vous avez des sociétés qui, du fait même qu'elles fondent l'appréciation de ce qui est valable, ou de ce qui a de la valeur, si vous voulez, sur les apparences, sur, on va dire, le court terme, ça c'est aussi un point très important, c'est non seulement la vitrine, mais c'est encore la mode, c'est quelque chose qui se fait très vite. Eh bien, ce type de société, à mon avis, est une société où l'imposteur est comme un poisson dans l'eau, puisque lui sait parfaitement, comme un caméléon, encore une fois, prendre les apparences que l'environnement attend. Est-ce que ça permet pas aussi de dédramatiser ce qu'on entend par imposture, de la mesure où les interfaces visuelles dont vous parlez, donc j'imagine que vous pensez aux réseaux sociaux en particulier, sont aussi le lieu d'une invention de soi absolument banale, c'est-à-dire que le rapport ordinaire que nous entretenons avec ce type d'existence, où nous pouvons exister avec un autre visage, sous un autre nom, sous forme d'avatar, dans la mesure où cette approche-là est vraiment revendiquée et assumée, peut-être qu'elle permet aussi à ces personnes d'être ce qu'elles voudraient être, sans justement nuire à tout le monde. Il y a un certain jeu de l'imposture de par la banalisation que celle-ci implique à travers les réseaux sociaux. Alors, vous me permettez effectivement de préciser un point que j'ai laissé un peu de côté, qui est essentiel, c'est que l'imposteur est un auto-entrepreneur de lui-même. Donc, effectivement, il se fabrique. Et il se fabrique, si vous voulez, de différentes façons, notamment par les bals masqués que nous avons pu connaître dans le passé, dans notre histoire. Aujourd'hui, effectivement, c'est encore beaucoup plus facilité. Et c'est là où, par rapport à la société, vous voyez, on est dans des facteurs favorisants et pas dans des facteurs déterminants, pour parler comme Pierre Bourdieu. hein, ou nécessitant. C'est-à-dire, ça favorise, ça ne produit pas, ça ne détermine pas. La nuance est pour moi extrêmement importante. Nous sommes dans des sociétés où, par exemple, si vous prenez les réseaux sociaux, ce sont des balles masquées formidables. Vous pouvez emprunter de multiples personnalités. Il y a un livre que je voudrais indiquer parce que je le trouvais assez extraordinaire. Il est paru bien après La Fabrique des imposteurs, mais je trouve que sans cela, je l'aurais mis presque au centre, je dirais, de mon travail. C'est un livre de Giulio Manghini qui s'appelle Fake. Vous avez un personnage qui est comme ça sur le net. Alors il commence par emprunter quelques profils, quelques avatars de lui-même, pour entrer dans des sites de rencontres et finalement consommer de la chair par quantité considérable. Et puis progressivement, il s'aperçoit à un moment donné, parce que une des personnes à laquelle il tend à s'attacher, ce qui n'est pas le cas de la plupart de ces rencontres, qui sont très éphémères à court terme, si vous voulez, le piste sur le net pour se rendre compte qu'il a d'autres rencontres, c'est-à-dire elle va passer par le fake, donc elle va faire des faux. Et du coup, lui entre dans ce jeu-là et il en devient complètement fou. C'est assez extraordinaire. Il en arrive à la fin, bien sûr, à ne plus savoir dans où il se situe et où il entend les voix même de ses avatars. Je crois que, bon, je vais pas davantage développer cet ouvrage qui me paraît très intéressant comme révélateur de notre société. Vous voyez, c'est pas notre société qui le produit, mais c'est notre société qui révèle en quelque sorte le caractère liquide, éphémère des relations sociales et amoureuses aujourd'hui. Ça ne détermine pas, mais ça favorise. Je crois que c'est ça le problème. Mais si vous vous souvenez aussi de Foucault, que vous avez bien voulu évoquer tout à l'heure, quand Foucault parle justement du néolibéralisme, qu'est-ce qu'il lit ? Il lit du néolibéralisme qu'il produit une figure anthropologique d'un individu auto-entrepreneur de lui-même. C'est-à-dire finalement qu'il se considère comme un capital biopsychosocial, une espèce de micro-entreprise libérale, autogérée, ouverte à la concurrence et à la compétition sur le marché des jouissances existentielles, et qui va donc fonctionner comme une entreprise. Eh ben, vous l'avez avec l'imposteur. Parce que si vous vous souvenez aussi de Max Weber, quand Max Weber évoque le capitalisme et l'éthique protestante, il prend justement l'exemple de Benjamin Franklin, où il y a un passage où justement Benjamin Franklin dit « Il est extrêmement important d'avoir une bonne moralité de manière à pouvoir obtenir le crédit des autres et faire des affaires. » Mais il ajoute, et c'est le point très important, mais il ajoute « Parfois, l'apparence suffit. » Vous avez donc là, je dirais, au cœur même de l'éthique protestante de Weber, n'est-ce pas, que l'apparence peut suffire pour faire des affaires. Alors, l'apparence suffit-elle ? Là est la question, y compris et surtout dans le sujet même de l'imposture. Vous citiez Foucault, Max Weber, je vous répondrai par Woody Allen. Souvenez-vous, en 1983, le film Zelig, qui est un homme caméléon, hein, en présence des gros, il devient gros, noir face à un noir, boxeur à côté de Jack Dempsey, écrivain quand il est à côté de Eugene O'Neill. Il ne cesse de se reproduire, de changer, jusqu'à ce qu'un diagnostic soit établi. On va écouter l'extrait, puis vous verrez le diagnostic ensuite. C'est l'année 1928. Projeté dans une décennie de prospérité sans égale, l'Amérique perd la tête. C'est l'âge d'or du jazz. Les rythmes sont syncopés, les mœurs relâchées. L'alcool a bon marché quand on peut s'en procurer. C'est l'époque des héros de tous bords et des folles téméritées, des bars clandestins et des réceptions extravagantes. L'une de ces réceptions est donnée par M. et Mme Henry Porter Sutton, gens du monde et mécènes. Et comme toujours, politiciens et poètes se mêlent à la haute société. Parmi les invités, Scott Fitzgerald, qui fixera à tout jamais l'image de ses années 20 pour les générations à venir. Dans son carnet de notes, il fait état d'un curieux petit bonhomme nommé Léon Selwyn ou Zellman, qui semblait être un véritable aristocrate et chantait les louanges des riches en présence des gens du monde. Il parlait avec vénération de Coolidge et du Parti républicain, avec un accent de Boston extrêmement raffiné. Une heure plus tard, écrit Fitzgerald, je fus choqué de voir le même homme converser avec les domestiques. Il se disait soudain un démocrate et son accent était grossier, comme s'il était un des leurs. C'est la première fois qu'il ait fait mention de Leonard Zelig. La Floride, un an plus tard. Un curieux incident se produit sur le terrain d'entraînement des New York Yankees. Toujours prêts à immortaliser les hauts faits des géants du baseball, les journalistes remarquent un nouveau et étrange joueur qui attend son tour après Babe Ruth. Il est porté au tableau sous le nom de Lou Zelig, mais aucun membre de l'équipe n'a jamais entendu parler de lui. Les gardes sont appelés pour le vider des lieux. L'incident fait l'objet d'un entrefilet dans le journal du lendemain. Et on en parle encore aujourd'hui sur France Culture, les chemins de la philosophie, un extrait de Zelig de Woody Allen, l'homme caméléon qui ne cesse de se transformer. On a entendu deux transformations, tout le film, Roland Gorin, n'est qu'une succession de transformations. Ce qui est très intéressant, c'est que pour essayer d'expliquer ce tempérament-là qu'il semble découvrir, lui se présente comme victime lui-même, hein, eh bien sa psychanalyse va lui diagnostiquer un besoin d'amour qui serait absolument insatisfaisable tellement il est grand. Et elle lui offre un peu, si vous vous souvenez. Et elle lui en donne un petit peu. C'est un film extraordinaire, formidable. Je veux dire qu'il condense l'ensemble des processus qui font qu'effectivement l'imposteur devient rouge avec les rouges, noir avec les noirs, blanc avec les blancs, jaune avec les jaunes, etc. C'est absolument formidable. Mais si vous vous souvenez, Adèle, de la fin du film, n'est-ce pas? Attention, spoiler. Eh bien, il parvient à piloter un avion alors qu'il ne savait pas piloter un avion. Et il guérit en même temps par amour. Parce que le point important au niveau de Zelig aussi, c'est qu'on voit bien comment il est un être désolé, isolé au sens d'Anna Arendt, désolé, hein, dans la solitude, dans la précarité, on va dire ontologique pour aller très vite. Et il va vers le parti hitlérien, vers le parti de masse, parce que c'est le moment où sa psychanalyste Mia Farrow, superbe d'ailleurs, on aperçoit Zelig comme ça, à côté de Hitler, dans ce parti de masse, hein, ce parti totalitaire. En même temps, si vous voulez, ça nous éclaire sur le caractère conformiste de l'imposteur. Ça, c'est très important. C'est très important. L'imposteur est celui qui fait comme tout le monde, qui ne peut pas faire autrement. Conformiste, il y a forme dedans. On revient à cette question. Ça, si vous voulez, ce qui est consubstantiel, pourrait-on dire, au conformisme et à l'imposture, qui pour moi sont deux sœurs siamoises, pour aller très très vite, vous voyez, c'est ça, c'est cette possibilité, effectivement, d'homme caméléon pouvant emprunter toutes les formes, toutes les apparences de l'entourage. Et le drame, la tragédie, pourrait-on dire, subjective, c'est à partir du moment où il n'est que ça. Et si vous voulez, ça, c'est un peu le travail qu'avait fait Elena Deutsch sur les personnalités psychanalystes, les personnalités comme si, et puis son texte aussi sur l'imposteur, 1955, où elle dit, mais ils semblent normaux, mais il y a quelque chose qui cloche. On ne les sent pas, ils ne sont pas là. Il n'y a pas de présence. C'est ça qui est important. Il n'y a pas de présence sensible. C'est comme si on était, si vous voulez, aux abonnés absents, on les appelle et ils n'y sont pas. C'est-à-dire qu'ils produisent un certain nombre de formes, ils produisent un certain nombre de voix, ils produisent, si vous voulez, un certain nombre de comportements, mais c'est comme s'il n'y avait pas d'autre chose que l'habit, mais que le costume. Mais n'est-ce pas un sentiment, alors là peut-être peut-on parler de sentiment d'imposture, n'est-ce pas un sentiment extrêmement répandu que celui de... que la difficulté que nous pouvons avoir à nous définir nous-mêmes indépendamment des masques que nous portons. C'est la question du fort intérieur. Qui suis-je quand je ne suis pas à la radio, en famille, avec mes amis, etc. Que reste-t-il de moi quand je ne joue plus les jeux sociaux? C'est la question, j'imagine, que les psychanalystes entendent le plus souvent sur le divan. Bien sûr, mais si vous voulez, ce que la psychanalyse peut apporter justement, c'est que le sujet n'est pas là où il se montre dans l'apparence d'un comportement voulu, rationnellement déterminé. C'est-à-dire qu'en gros, pour aller très vite, pour faire très simple, si vous voulez, vous vous apercevez par un lapsus, un acte manqué, un rêve, que vous êtes ailleurs que là où vous vous montrez dans la vitrine. Et c'est pour ça que la psychanalyse est une chose formidable, même si aujourd'hui elle est décriée, comme vous savez, n'est-ce pas, par le scientisme et le positivisme ambiant qui copule très bien avec l'économisme, hein, parce que bon, mais ça on va pas en parler aujourd'hui, bien sûr. Mais ce qui est formidable au niveau de la psychanalyse, c'est quand même, c'est comme disait Thomas Mann, dont on parlera peut-être, n'est-ce pas, c'est un mode de connaissance mélancolique. La psychanalyse, c'est un mode de connaissance mélancolique. C'est-à-dire que vous vous apercevez que vous n'êtes pas là où vous croyez être. J'ajouterais aussi quand même que du côté de l'imposteur, non seulement il croit qu'il est là où il se montre, mais il se montre aussi uniquement sur des scènes socialement valorisées. D'où le lien avec le conformisme et d'où le lien, si vous voulez, avec notre société. C'est ce que Lacan appelle l'importance du semblant comme une seconde nature. Écoutez-le. Il n'y a pas un seul discours où le semblant ne mène le jeu. On ne voit pas pourquoi le dernier est venu, discours analytique, y échapperait. C'est quand même pas une raison pour que dans ce discours, sous prétexte qu'il est le dernier venu, vous vous sentiez si mal à l'aise. Que bon, soyez plus détendu, plus naturel, quand vous recevez quelqu'un qui vient vous demander une analyse. Vous sentez pas si obligé à vous pousser du col. Même comme bouffon, vous êtes justifié d'être. Vous n'avez qu'à regarder ma télévision. Je suis un clown. Ben, prenez exemple là-dessus. Et ne m'imitez pas. Conseil de Lacan au psychanalyste étant 74. Je suis un clown, prenez exemple là-dessus et ne m'imitez pas. Même comme bouffon, vous êtes justifié d'être. Que dit Lacan ici, Roland Gori, si ce n'est l'impossibilité de coïncider absolument avec le semblant, et c'est pas grave. Bien sûr, sauf que l'imitation, pour aussi employer alors une notion chère à Gabriel Tarn, et qui parlait aussi d'ailleurs du désir, qui est un terme que Lacan va reprendre, l'imitation, c'est tout de même ce qui constitue aussi le nœud de la socialisation. Non, ce qui me paraît très juste, si je peux me permettre dans ce que dit Lacan, si vous voulez, c'est plutôt lorsqu'il dit que le sujet n'est pas là où il parle, où il croit être. C'est-à-dire que c'est ce caractère excentré du sujet par rapport à sa vérité. Et donc, l'impossibilité de faire coïncider. C'est-à-dire qu'effectivement, on est bien obligé, je dirais, de faire semblant pour pouvoir, paradoxalement, dans le semblant et dans le mensonge, finir par dire la vérité. C'est ça. Mais la vérité, c'est pas une substance, c'est pas une représentation. La vérité, comme dit Lacan, parce qu'il y a des très bons morceaux chez Lacan auxquels je tiens beaucoup d'ailleurs, la vérité, c'est ce qui court après la vérité. Donc si vous voulez, c'est plutôt du côté du manque, c'est plutôt du côté, je dirais, du trou, c'est plutôt du côté de la reconnaissance, de cette excentration du sujet par rapport à lui-même, que se trouve le vrai. Ça, je crois que dans l'imposture pathologique qu'on a un peu évoquée, vous l'avez pas. Vous avez davantage une adhésivité, une adhésion au semblant. Parce que, en gros, quand quelqu'un vient vous demander une analyse, c'est qu'il est plus ou moins conscient qu'il y a quelque chose qui cloche. Et que s'il a des idées obsessionnelles ou s'il y a des symptômes somatiques ou des phobies, etc., c'est bien que malgré tout, même si dans le reste de sa vie ça va pas trop mal, il y a quelque chose qui cloche. Donc il vient avec cette question, il y a quelque chose qui cloche. Alors que quand vous rencontrez l'imposteur, c'est pas lui qui dit il y a quelque chose qui cloche. C'est vous qui dites, mais il est parfait, mais c'est trop beau pour être vrai, trop poli pour être honnête. Il y a quelque chose qui va, vous, en tant qu'interlocuteur, vous faire prendre conscience qu'il n'est peut-être pas là où il se montre, et que peut-être il ne montre que du semblant, et du semblant qui a été produit à partir de ce qu'il vous suppose justement attendre de lui. Parce que quand vous prenez, par exemple, si on parle de Félix Krull, le roman de Thomas Mann... Les confessions du chevalier d'industrie, Félix Krull. C'est donc le roman de Thomas Mann où on entend le témoignage d'un parvenu hein, qui raconte son ascension sociale par l'imposture, justement. Absolument, qui vit d'expédient. Alors, il ne faut pas oublier d'ailleurs que l'origine du mot expédient, ça veut dire arriver à se délivrer les pieds qui ont été empêtrés dans des pièges. Donc c'est il y a aussi, si vous voulez, dans l'imposture, ça c'est le côté positif de l'imposture. D'ailleurs, Thomas Mann n'est pas très dur avec son chevalier d'industrie. Il l'appelle l'aimé de Dieu aussi, hein, si vous vous souvenez. Il y a des côtés un peu positifs. Il dupe des gens qui sont assez consentants et assez complices de la duperie dont ils sont en même temps les victimes. Vous voyez ? Eh bien, la force de Félix Krull, c'est justement de s'identifier, d'être capable habilement de découvrir à partir des paroles de l'autre ce qu'il attend de lui. Et comme ça, par exemple, il va passer à un moment donné la frontière avec un douanier extrêmement sévère, parce que il a compris que ce douanier était un Français patriotique, sourcilleux, etc. Et il va lui donner le change. Donc il y a cette capacité, cette grande capacité d'observation, d'empathie et d'observation. Ah, oui, enfin d'empathie, je ne sais pas si ça va jusqu'à l'empathie, mais au moins l'identification pour aller très vite, oui. Si vous voulez, c'est pour l'autre. C'est là où, dans l'imposture, comme dans le conformisme, il y a une aliénation. C'est-à-dire que le sujet s'aliène au champ social. Et ce que Thomas Mann montre très bien dans ce texte, c'est que l'imposteur est d'abord toujours lui-même un abusé. Écoutez ce texte. À la maison, à l'hôtel, je m'amusais. Et j'amusais les miens en m'évertuant à imiter fidèlement les gestes du premier violon à l'aide de deux baguettes, une longue et une courte. Les mouvements ailés de la main gauche pour tirer des cordes d'un son expressif, le moelleux glissement d'une position à l'autre, l'agilité des doigts au passage de virtuosité et les cadences, le mince et le souple ploiement du poignet droit en maniant l'archet, la mine absorbée du musicien attentif, la joue contre son instrument, je rendais tout cela avec une perfection qui arrachait à mon père en particulier des marques d'admiration joyeuse. Or, voilà qu'un jour, mon père prit à part le chef d'orchestre aux cheveux longs et presque à faune et, d'accord avec lui, combina la comédie suivante. On m'achète un violon bon marché dont l'archet est soigneusement enduit de cellophane. On fait emplette dans un bazar d'un joli costume marin à brandebourgs et boutons dorés prêt à porter, de chaussettes de soie et de miroitants souliers vernis. Et un dimanche après-midi, je me retrouve tout à coup juché aux côtés du petit chef d'orchestre, paré de ses atours pimpants, devant la rampe du temple de la musique où je participe à l'exécution d'une danse hongroise, en me servant de mon violon et de mon archet enduit de cellophane, comme précédemment de mes deux baguettes. Je puis dire que mon succès fut complet. Le public distingué et l'autre plus simple s'écrasaient devant le kiosque, affluaient de toutes parts pour voir l'enfant prodige. Ce fut l'un des plus beaux jours de ma vie. Peut-être le plus absolument beau. Quel texte, Roland Gori, hein, lu par Vincent Schmitt, où ce petit garçon qui s'amuse à imiter les gestes du violon en vient à adopter une forme d'imposture à la demande de son père. Et là, on voit le glissement de l'imitation à l'imposture, c'est en fait une demande, il y a une forme presque d'abus, on lui impose cette position-là. Oui, mais l'imposteur qui est un abuseur a été abusé. Donc le terme abusé est juste là, c'est abusé vraiment. Oui, oui, je pense. Il a été abusé par son environnement. C'est pour ça que, vous voyez, au niveau de l'imposteur, j'ai jamais voulu en faire une espèce de psychopathologie particulière qui serait déliée de son environnement. C'est pour ça que je vous ai dit tout au long de cette émission que chaque société a les imposteurs qu'elle mérite finalement, qui révèlent justement son éthique. Oui. Là, il y a l'environnement, c'est-à-dire qu'il est dans une ville d'eau, si mes souvenirs sont bons, Et sa famille a mauvaise réputation. Il est laissé de côté par les autres garçons de son âge. Et d'ailleurs, ses parents aussi sont également un peu écartés, à la fois de l'aristocratie, de la noblesse, mais aussi de la bourgeoisie. Et puis, ils peuvent pas en même temps être avec le prolétariat. Et ils, parce qu'ils ne sont pas suffisamment distingués, parce qu'ils ont des fêtes un peu trop arrosées et des comportements un peu trop outranciers, un peu trop voyants. Bon, donc... Vous avez, si j'ose dire, des gens qui sont victimes, entre guillemets, d'une certaine discrimination sociale. Et dont l'enfant aussi, si j'ose dire, bénéficie. Et le père trouve une astuce, dans laquelle il fait de son fils à la fois l'acteur, la victime et le complice, qui est de donner le change, qui est de faire semblant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça marche. C'est-à-dire que après, si Monsieur et Venir sont bons, il y a une princesse qui lui donne une broche ou un diamant. Les autres garçons qui l'écartaient jusque-là vont jouer avec lui. Il a été l'objet d'admiration, de reconnaissance sociale. Donc en gros, vous avez là toute une série de déclinaisons, de glissements, de séduction. C'est-à-dire que la famille qui était discriminée se trouve en quelque sorte possédée. Un garçon qui a un joyau, et ils le font par tricherie, par astuce, et le garçon se trouve, lui, si j'ose dire, le jouet. Il est le violon dont il se sert, il a né en quelque sorte lui-même l'instrument par sa famille, qui lui permet d'obtenir, vous voyez, c'est presque une scène écran, un souvenir écran au sens psychanalytique du terme, où se condense, si j'ose dire, l'ombilique des stratégies d'imposture que va prendre ensuite Félix Krull. Mais Thomas Mann emploie à l'égard de Félix Krull cette expression que vous reprenez dans votre ouvrage, qui consiste à dire que le personnage principal, l'imposteur, donc, est épris du monde. Oui. Non, mais c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup insisté sur le martyr social. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est une norme épris du monde, ça veut dire que c'est une forme, là, on n'est plus ni dans l'empathie ni l'imitation, c'est une forme presque d'amour et de respect. Être épris du monde, ça veut dire agir de cette manière-là pour ce monde. Pour le monde, parce qu'il n'existe que par le monde. C'est-à-dire qu'il n'existe que à sa fenêtre, par les acclamations qu'il reçoit, et il n'est jamais dans son intérieur. Alors, si on fait le lien avec notre échange tout à l'heure, bien sûr que nous ne passons pas notre temps totalement à l'intérieur de nous-mêmes. Nous nous mettons parfois à la fenêtre parce que nous avons besoin de la reconnaissance de l'autre. Mais ce qui est important dans le roman, c'est qu'on voit bien comment la reconnaissance de l'autre, si vous voulez, c'est pas tellement l'amour, c'est plutôt l'admiration. C'est-à-dire c'est plutôt du côté d'un narcisse qui se mire dans le miroir des autres que finalement quelqu'un qui leur donne ce qui lui manque. Aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas, pour citer le Lacan que vous avez tout à l'heure évoqué. Voyez. Or là, non, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la stratégie, de l'ordre justement de cacher ce manque. Donc il y a toujours une demande de la part de l'imposteur qui n'est pas satisfaite. Il y a une capacité d'adopter, je dirais, un comportement fétichiste en se faisant le fétiche de ce qui manque à l'autre. Donc c'est se rendre indispensable à l'autre. Se rendre indispensable à l'autre et en tirer profit. Au nom de sûr. Ses propres besoins. C'est-à-dire que, justement, on est moins dans la reconnaissance, si vous voulez, de son propre manque, qui nous conduit tous, dans le meilleur des cas, à aimer ou à créer, comme dirait Camus, à donner une forme à notre destin. Là, c'est plutôt s'identifier au fétiche de l'autre qui vient masquer ce qui manque à l'autre. C'est-à-dire qu'il est vraiment là, en quelque sorte, n'est-ce pas, où on l'attend. C'est ce qui fait sa force. C'est comme ça qu'il peut profiter. L'imposteur se rend indispensable, c'est ça. C'est qu'il est là, il correspond, il répond d'avance aux besoins que d'autres pourraient exprimer. Oui, à la demande, au désir. C'est, d'ailleurs, quand les imposteurs... Il existe par ça, ouais. Si vous prenez Rocancourt, quand les imposteurs se justifient, vous prenez Madoff ou Ponzi, etc., qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent encore une fois qu'ils n'ont spolié ou dupé que des gens qui, eux-mêmes, étaient intéressés et finalement prêtaient de l'argent à des gens qu'ils croyaient riches. Donc, ils ne prêtaient pas de l'argent à des gens qu'ils croyaient pauvres. Vous voyez, et donc, c'est en gros, indispensable, oui, mais indispensable finalement pour consolider les autres dans ce qui fonde leur être social. Si vous voulez, à mon avis, de ce côté-là qu'on peut prendre les choses. Vous citiez Camus, on va laisser la parole au narrateur de La Chute. Le texte de Camus, le narrateur s'appelle Clamence, il se présente comme un juge pénitent. Il s'adresse à un inconnu, qui est sans doute le lecteur lui-même d'ailleurs, tout au long du roman. Et il revient sur une forme de déchéance qu'il a vécue depuis un événement auquel il a assisté. Il a vu quelqu'un qui s'était jeté par-dessus un pont dans la Seine au moment où il passait. Et ça engage en lui une forme de réflexion sur la comédie sociale à laquelle nous devons tous nous prêter, et dont lui-même, en plus juge pénitent, avocat, est sans doute le premier témoin. Tout à fait entre nous, la servitude souriante de préférence est inévitable, mais nous ne devons pas le reconnaître. Celui qui ne peut s'empêcher d'avoir des esclaves, ne vaut-il pas mieux qu'il les appelle hommes libres ? Pour le principe d'abord, et puis pour ne pas les désespérer, on leur doit bien cette compensation, n'est-ce pas ? De cette manière, ils continueront de sourire et nous garderons bonne conscience. Sans quoi nous serions forcés de revenir sur nous-mêmes. Nous deviendrions fous de douleur ou même modestes. Tout est à craindre. Aussi, pas d'enseigne. Et celle-ci est scandaleuse. D'ailleurs, si tout le monde se mettait à table, affichait son vrai métier, on ne saurait plus où donner de la tête. Imaginez des cartes de visite. Dupont, philosophe Froussard. Ou propriétaire chrétien, ou humaniste adultère, on a le choix vraiment. Mais ce serait l'enfer. Oui, l'enfer doit être ainsi, des rues à enseigne et pas moyen de s'expliquer. On est classé une fois pour toutes. Vous, mon cher compatriote, pensez un peu à ce que serait votre enseigne. Vous vous taisez ? Allons, vous me répondrez plus tard. Je connais la mienne en tout cas. Une face double, un charmant Janus et, au-dessus, la devise de la maison « Ne vous y fiez pas ». Sur mes cartes, Jean-Baptiste Clamence, comédien. Quand je quittais un aveugle sur le trottoir où je l'avais aidé à atterrir, je le saluais. Ce coup de chapeau ne lui était évidemment pas destiné, il ne pouvait pas le voir. À qui donc s'adressait-il ? Au public. Après le rôle, les saluts. Pas mal, hein ? Ce geste qui consiste à saluer un aveugle en baissant son chapeau, qui est à la fois magnifique et tragique. Magnifique parce que c'est l'élégance incarnée, et tragique parce qu'à ce moment-là, celui qu'il salue vraiment, ce n'est pas la personne qui ne voit pas, mais le public supposé dans chaque scène de sa vie. Ce texte est incroyable, hein, Roland Gori, avec cette définition, l'enfer doit être ainsi, des rues à enseigne et pas moyen de s'expliquer, on est classé une fois pour toutes. L'enfer, c'est celui des enseignes dans la vie. C'est un texte extraordinaire, c'est un texte ironique, très, très beau, entre le drame et le drame lyrique et le roman. Enfin, c'est le théâtre et le roman, c'est un texte absolument formidable. C'est le texte de la conscience malheureuse, c'est le texte de la culpabilité. C'est-à-dire que finalement, nous ne sommes pas, même vis-à-vis de nous-mêmes, dans l'honnêteté de reconnaître ce que nous sommes vraiment, et nous avons besoin effectivement de nous saluer, de nous acclamer, de finalement pouvoir faire des choses au travers desquelles nous nous contemplons, si j'ose dire. Alors là, c'est formidable parce que Jean-Baptiste Clamence, vous savez, c'est un avocat qui a plaidé des causes malheureuses, qui était une très grande générosité. Effectivement, il aidait les aveugles à traverser, il sauvait la veuve et l'orphelin, etc. Et puis un jour, comme ça, où il rentre chez lui, lui qui rayonne dans la bonne société, qui gagne bien sa vie, qui a une bonne image de lui-même, qui est un grand séducteur avec les femmes, il entend une jeune femme qui va se suicider. Et trop tard, trop loin, il ne va pas aller se jeter dans la Seine et dans l'eau froide. Et donc cet appel-là, c'est un appel au sens quasiment religieux du terme, cet appel lui révèle finalement sa propre hypocrisie. Sa propre, si vous voulez, sa propre imposture morale. Comme il dit, il y a un très beau passage où il dit « J'avais le cœur sur les manches ». Et à partir de ce moment-là, il devient juge pénitent. Et alors là, vous savez, Camus vise un peu les existentialistes à travers de cette histoire-là, c'est-à-dire en gros ceux qui vont pouvoir s'accuser pour accuser les autres. Et évidemment, tout le jeu narratif de Camus, ça va être dans la chute d'amener celui qui écoute le narrateur à s'interroger sur sa propre imposture, sur sa propre hypocrisie. C'est-à-dire, effectivement, l'amener à ce que Camus appelle une culpabilité raisonnable qui lui fait assumer le destin d'être un homme. Pour ne pas terminer sur une note tragique, je signalerai que Camus est aussi l'auteur de Noce. Et dans Noce, on a ce texte sur Tipaza qui est absolument sublime, très court, que j'invite tout un chacun à découvrir et à lire s'il ne l'a pas encore fait, et dans lequel on trouve la formule de jouer son rôle. On retrouve cette formule de cette obligation de se conformer à un rôle qui nous dépasse, mais cette fois-ci avec une grande paix. Il écrit ceci, il dit « Il y a un sentiment que connaissent les acteurs lorsqu'ils ont conscience d'avoir bien rempli leur rôle, c'est-à-dire au sens le plus précis, d'avoir fait coïncider leurs gestes et ceux du personnage idéal qu'ils incarnent, d'être entrés en quelque sorte dans un dessin fait à l'avance et qu'ils ont d'un coup fait vivre et battre avec leur propre cœur. C'était précisément cela que je ressentais, j'avais bien joué mon rôle. » J'avais fait mon métier d'homme, et d'avoir connu la joie tout un long jour ne me semblait pas une réussite exceptionnelle, mais l'accomplissement d'une condition qui, en certaines circonstances, nous fait un devoir d'être heureux. Nous retrouvons alors une solitude, mais cette fois dans la satisfaction. Don't want to get in trouble if you don't want to get in trouble. You better let that lie alone. Now if you don't want to get in trouble if you don't want to get in trouble if you don't want to get in trouble. You better let that lie alone. Well, let me tell you what a liar will do. He's always coming with something new. He'll bring you news about women and men, make you fall out with your bosom friend. Now if you don't want to get in trouble, if you don't want to get in trouble, if you don't want to get in trouble, you better let that liar alone. Let a Liar Alone, c'est Rosetta Tharpe qui nous accompagne dans cette fin d'émission. Un grand merci à vous, Roland Gori. Merci. D'être venu nous parler des imposteurs. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, La Fabrique des imposteurs, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Et c'est sur ces notes de blues que nous allons retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Comme tous les jours sur France Culture, vous partez d'une actualité pour nous proposer votre philosophie. Votre actualité aujourd'hui est un livre et c'est le dernier cours de Michel Foucault qui vient d'être publié. Alors, il est comment, le dernier Michel Foucault? Eh bien, c'est peut-être la question que vous allez entendre ces prochains jours si vous suivez l'actualité philosophique. Difficile, en effet, de passer à côté de cette publication, disparue il y a 34 ans, véritable référence. Découvrir un inédit du philosophe est un événement dans le monde des idées. Difficile, d'ailleurs, aussi de passer à côté de cette publication, tant le bandeau rouge inédit sur le livre vous saute aux yeux et tant le sujet peut aussi attiser la curiosité, à savoir la sexualité au temps fort du christianisme. Alors pour rappel ou pour information, le titre de cet inédit c'est « Les aveux de la chair ». Il paraît aujourd'hui aux éditions Gallimard et il constitue le quatrième et dernier volume de l'histoire de la sexualité entamée en 76 avec la volonté de savoir. Mais en réalité, c'est au début des années 80 que ce texte a été rédigé par Foucault. Il devait alors constituer non pas le dernier, mais la suite directe de la volonté de savoir, son introduction générale à cette histoire. Après l'histoire de la folie, j'avais envie d'écrire une histoire en quelque sorte parallèle, après la répression de la folie, enfin après la mise à l'écart de la folie, quels ont été les partages qui ont été tracés dans l'ordre de la sexualité, tout comme il y aurait eu folie et raison, est-ce qu'il n'y a pas eu sexualité anormale et sexualité normale, sexualité permise et sexualité défendue. Enfin bon, c'était un petit peu dans cette ligne-là que je m'étais orienté. Projet donc de faire une histoire des interdits sexuels, ou de la sexualité partagée par une ligne continue, obstinée, même si elle varie selon les époques, une ligne continue, obstinée d'interdiction, de prohibition. Évidemment, c'était un projet qui était à la fois ambitieux et banal. Alors, il est comment le dernier Foucault ? Est-ce qu'il est lui aussi ambitieux et banal, comme le dit lui-même Michel Foucault en 77 ? Banal, car la sexualité constitue une dimension évidente de l'homme. Ambitieux, puisqu'il s'agit de définir cette évidence. Oui, comment s'est-elle formée au cours de l'histoire, cette évidence ? S'est-elle formée ou a-t-elle toujours été là, à l'œuvre mais inconsciente, et désormais visible mais suspecte et réglementée ? Et cette évidence de la sexualité, que dit-elle essentiellement, vraiment, évidemment, de l'homme ? Après une large place laissée aux antiques dans les premiers volumes de l'histoire de la sexualité, Foucault se penche dans celui-ci sur le rapport du christianisme à la chair, et loin d'être le lieu d'un abandon de soi ou d'une relation à l'autre, l'Église fait au contraire de la sexualité, procréation, virginité, mariage, une technique de soi. La virginité, par exemple, devient ainsi une expérience spirituelle positive, permettant une connaissance du sujet. Plus que la sexualité, ce qui est donc excitant ici dans ce quatrième volume, c'est de saisir cette évidence qui n'est pas celle de la sexualité, mais de tout homme à lui-même, sa compréhension, sa coïncidence avec lui-même, son évidence donc. Cette sexualité-là, est-ce qu'elle est vraiment ce qui nous appartient en quelque sorte par nature ? Est-ce que ce n'est pas l'effet d'une sorte de sexualisation générale de l'être humain, du comportement humain, du discours que l'homme tient sur lui-même, du rapport que l'individu a sur lui-même. Est-ce que ce n'est pas l'effet de tout cela ? C'est-à-dire de tout un énorme mécanisme d'assujettissement. Enfin, il ne faut pas oublier que dans les sociétés chrétiennes, depuis le fond du Moyen-Âge, depuis le milieu en tout cas du Moyen-Âge, on a obligé les gens non seulement à se confesser, à avouer tous leurs péchés, mais également à s'examiner eux-mêmes et à retrouver toujours la fameuse concupiscence, comme on disait, au principe de tous les péchés. La sexualité, c'est devenu notre vérité. Voilà comment il est, ce dernier Foucault, comment il est cet inédit à le lire et à écouter encore une fois Michel Foucault en 77. Il est contre-intuitif pour notre époque, décapant même. Car qui prône aujourd'hui encore la confession, qui suppose plutôt la culpabilité, comme l'occasion de dire quelque chose de vrai sur soi ? Comment le mariage serait-il une technique pour analyser sa libido et son propre désir ? En quoi ces pratiques très codées, très normées, permettraient-elles un vrai rapport à son corps, à son désir et à son âme, une évidence à soi, mais qu'elle soit, interroge Foucault, c'est le paradoxe, ces techniques et vérités de soi conduisent en fait à ne plus être soi, et Foucault de dire, je cite, « Le travail indéfini pour voir et dire le vrai de soi-même est un exercice de mortification, le devoir de s'enfoncer indéfiniment dans l'intériorité de l'âme est couplé à l'obligation d'une extériorisation permanente dans le discours adressé à l'autre. » Ce dernier Foucault, il est donc étonnant, mais il est aussi éclairant pour notre époque, car on connaît bien cette extériorisation permanente de soi et de son désir à l'autre, sous forme d'injonction, peut-elle, elle aussi aujourd'hui, s'apparenter à une certaine manière de mourir à soi-même. Merci beaucoup Géraldine, et je donne rendez-vous aux auditeurs le 9 mars pour une émission en compagnie du foucaldien Frédéric Gros sur donc, ce dernier Foucault qui a l'air très bien. Ce dernier Foucault, donc cette édition établie effectivement par Frédéric Gros que vous trouverez chez Gallimard. Il est donc comment ce dernier Foucault ? Merci d'avoir répondu à cette question. Votre réponse et donc votre chronique Géraldine est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Maud Markiewicz qui a préparé cette émission, ainsi que David Pargamin, Marianne Chassor, Claire Perriman-Holt, Géraldine Mosna-Savoie, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, Clément Daté qui est à la prise de son, Vincent Schmitt à la lecture des textes. On se retrouve demain pour les chemins du vendredi. Demain, ce sera le professeur de littérature française à l'Université Paris 8, psychanalyste et écrivain Pierre Bayard qui sera mon invité pour les chemins du vendredi. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission ainsi que cette série consacrée à l'imposture depuis lundi dernier, rien de plus simple, vous rendez sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pourrez réécouter les émissions en ligne ou bien les télécharger, les podcaster pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des chemins de la philosophie vous donne également rendez-vous sur le compte Facebook et Twitter des chemins où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc. Et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.